C'est fun de chanter ensemble. Il faudrait que tu m'apprennes toutes les chansons que tu connais. Ouais, et toi, tu m'apprendras les tiennes. Bon, avec tout ça, ça doit être rendu l'heure du souper. Faut y aller, maman va m'attendre. As-tu faim? Ouais, une faim de loup. Allons-y. Miguel, crois-tu qu'ils vont m'aimer tes parents? Ils vont être sûrement fâchés que je sois sur votre île. D'après moi, ils vont trop être surpris pour être fâchés. Puis, on n'a rien fait de mal. C'est Lunel qui est derrière tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Ben, on leur dira... Je sais pas moi. On leur dira que c'était le destin.